parti n'importe où avec lui. Maintenant que je sais l'homme pour qui je suis faite, de mes jours à ces nuits, ce que seront nos vies, puisqu'il en rêve aussi. C'est déjà trop tard, j'ai dit oui. Déjà trop tard, j'ai dit.